بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الدرس السادس والستين 66 لسون. يقول المؤلف حفظه الله تعالى في السؤال السادس بعد 400 كيل سون سيزيام كيستيون. زوجتان من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتتا. طيب وماتتا في حياته من هما؟ كيل ديك لي دو فام parmi les épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui sont mortes de son vivant. Qui sont-elles? Donc là, nous l'avons cité dans le verset précédent, il s'agit de Khadija bint Khuwaylid et de Zaynab bint Khuzaïma. Et d'ailleurs, Zaynab, radhiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est mort deux mois après avoir engagé sa vie conjugale avec elle. Au bout de deux mois après, elle est morte. Radhiyallahu anha. Et quant à Khadija, il est dit qu'elle est morte trois ans avant la Hijra. Qu'elle est morte trois ans avant qu'il ne fasse la Hijra à Al-Madina. Thumma qala fi su'al as-sabi' ba'd 400. Quelle est la septième question? Thalath min ummahat al-mu'minin hajarna ila al-Habasha. Faman hunna? Il dit trois parmi les mères des croyants. Les mères des croyants, ce sont les femmes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On fait la hijra vers l'Habasha, vers l'Éthiopie, parmi la première hijra qui a eu lieu avant que l'ordre ne vienne de venir à Al-Médina. Donc trois de ces femmes ont fait cette hijra. Qui sont-elles? Il s'agit de Salama. Et Salama, son prénom c'est Hind. Tayeb, Hind. Et Sauda et Habiba. Sauda et Habiba. Et cela, la preuve, c'est le hadith de Aïcha, que justement Habiba et Salama avait cité au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'ils avaient vu comme église en Habasha avec toutes les images qu'elle comprenait, les images figurées. Et quant à Saouda, c'est des choses qui sont citées dans le Tahrir, dans les dates de l'islam, qu'elle faisait partie des gens qui ont fait également la Hijra en Habasha. ثم قال في السؤال السابع أو الثامن بعد 400 ماذا كان كفار قريش يدعون النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. Comment est-ce que les koufars de Quraysh surnommaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant qu'il ne reçoive le message? Il appelait al-Sadiq al-Amin. Il l'appelait le véridique, celui de confiance, c'est-à-dire qu'il était connu pour ne pas mentir. Une fois, il leur a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est monté sur un safa et il a dit: si jamais je vous annonçais que des troupes allaient venir du côté de cette montagne, est-ce que vous me croiriez? Ils dirent: « Ma jarabna alika kadiba » Nous n'avons jamais connu comme ayant menti. Ils ont dit eux-mêmes, les koufars de Quraysh ont dit: « Ma jarabna alika kadiba » Nous n'avons jamais connu le mensonge. Donc ils savaient très bien qu'il était véridique. « Thumma qal »« Fisuel atasir bat arba'amiya » 409e question. من الذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال له إنه لم يأتي أحد بمثل ما أتيت به إلا عوديا. Qui est celui qui a cru en le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم et qui lui a dit que personne n'est venu avec ce que tu as apporté sans qu'il n'ait été pris en ennemi. Il s'agit de Warqata ibn Nawfal, l'oncle de Khadija, ou plutôt le cousin de Khadija. Lorsque la révélation est venue au prophète صلى الله عليه وسلم que Jibril l'a vu, qu'il a vu Jibril qu'il a annoncé à Khadija ce qu'il avait vu, elle l'a amené vers Warqa ibn Nawfal. Et là, elle lui a raconté ce qu'il avait vu. Quand il a vu Jibril, alayhi salam, qui lui a fait réciter surat, ou plutôt le début de surat de Iqra. Surat al-Araq, l'adhérence. Et de là, Warqa ibn Nawfal, qui était à la base, lui, un homme qui s'était christianisé. Il était Nasrani. Et il recrivait l'Injil, d'accord, de l'hébreu à l'arabe. Donc il connaissait les textes, c'était un kitab. Et lorsqu'il a entendu l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il lui a raconté, il lui a dit: Hazan Moussa allazi nuzila ala Moussa. Il a dit: ça c'est le confident, le même qui est descendu sur Moussa, c'est-à-dire Jibril, celui qui était venu. Après il lui a dit que son peuple va l'expulser de chez lui, pour ce qu'il a dit. Et là il a dit: Emukhriji ahum, est-ce qu'ils vont m'expulser? Il a dit: Naam. Et c'est là qu'il a dit: personne n'est venu avec le même message que le tien, sans qu'il n'était pris en ennemi. Fuma qala, wali nudrikni yomuk, ansuruka nasran mu'azzara. Et si jamais ce jour-là vient, c'est-à-dire qu'il t'expulse et que je suis présent encore, alors je te secourrai, je t'apporterai mon secours. Donc là, cet homme a démontré qu'il croyait en le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, des ulama ont dit pourquoi On se demandait pourquoi n'a-t-il pas été compté comme le premier à avoir cru parmi les hommes? Car les gens disent souvent que c'est Abubakar, radhiyallahu anhu, le premier à avoir cru parmi les hommes. Et pourquoi pas Urqa ibn Nawfal? Et parmi les réponses qui ont été données, moi c'est une question que je me posais souvent, il nous a été dit qu'en fait, le Nabi Sallam ne l'a pas appelé à l'islam. Il n'a pas fait da'wah. C'est-à-dire il a cru en entre, c'est-à-dire il a eu un imen général. Mais il n'a pas reçu d'appel. Le prophète Sallam n'avait pas encore eu l'ordre d'appeler les gens à l'islam. Donc c'est pour cela que lui, il a été pris comme un croyant, de façon générale, mais il n'est pas parmi les premiers qui ont entendu parler du message et qui l'ont accepté, comme ce fut le cas de Abu Bakr Siddiq, et de Bilal, et de Ali, et Raïd Zalika ibn Sahaba, radiallahu anhum. Et Khadija Kazali, Khadija, il a cru dès le début, et quand l'ordre est venu d'appeler les gens, elle a cru également. Donc elle est la première des femmes, même, elle est la première croyante à l'Al-Itlaq, en fait. Azam. ثم قال في سؤال العاشر 410 question, ما هي كنية النبي صلى الله عليه وسلم؟ Quelle était sa kunya? La kunya, c'est le fait de s'appeler Abu Fulen, d'accord? C'est une kunya. Donc lui, sa kunya, c'était Abu al-Qasim, Abu al-Qasim. Et le dernier, c'est le hadith de Anas. قال دعا رجل بي البقيع يا أبا القاسم فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم أعنك فقال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. Qu'un homme a appelé le prophète Mohammed Sassan par sa kunya et que le Nabi Sassan s'est retourné vers lui, c'est-à-dire qu'il a reconnu son nom, et après il a dit nommez, prenez mon prénom, nommez-vous par mon prénom, mais ne prenez pas ma kunya. Et le hadith est muttafaqun alayhi. Et là il y a eu un khilaf entre les savants où il disait, est-ce qu'il veut dire par là qu'on ne peut pas s'appeler Mohamed Abul Qasim, ou alors qu'on ne peut pas s'appeler Abul Qasim tout simplement? Est-ce que c'est le fait de lier entre le prénom et la kunya ensemble, ou juste le simple fait d'avoir la kunya Abul Qasim, cela n'est pas permis? Donc de là, il y a une divergence. Le résultat final, je ne peux pas vraiment le clarifier, mais la chose la plus simple, c'est que la personne elle évite, tout simplement. Il y a un khilaf comme celui-là. Tu t'appelles Mohamed, et des kunya, il y en a plein. Des kunya, il y en a plein, plutôt que de prendre Abul Qasim. Ou même, tu t'appelles Ibrahim, tu t'appelles Zayd, ou tu t'appelles autre, Abu al-Qasim, il y a plein de kunya, délaisse-la. Comme ça, tu sors du khilaf, tu sors de la divergence. Et la kunya, c'est parmi les caractéristiques des Arabes. Leurs caractéristiques des Arabes, comme l'a dit certains salaf, il y a l'imama, le fait de porter l'imama. Il y a ce qu'on appelle l'ihtiba. C'est le fait de porter sa imama comme une ceinture qui te permet de t'asseoir et qui te tient ton dos et tes genoux. Et ils disent également, il y a la kunya. Le fait de s'appeler Abu Fulen pour un homme ou Oum Fulen pour une femme. Et la kunya, il n'est pas obligatoire d'avoir un enfant. Tu peux, par exemple, Aïcha, sa kunya c'était Oum Abdillah, elle n'avait pas d'enfant. Tout comme il n'est pas obligatoire d'avoir une kunya du nom de ton enfant. Par exemple, tu peux t'appeler Abu Masalem Zayd et tu n'as pas d'enfant qui s'appelle Zayd. Tu as des enfants, mais aucun d'entre eux ne s'appelle Zayd. Naam. Et Akada. Et les Arabes ont pour coutume en général de prendre des kunya du nom de garçon. Maintenant, prendre une kunya par un nom de fille, c'est permis également. ثم قال في سؤال الحادي عشر أربعمية 411 question. اذكر ستة أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم. Cite six des prénoms du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. Donc il y a Mohammed qui est connu. D'accord, Mohammed. Là dans le Coran, Mohammed était cité quatre fois dans quatre sourates. Dans Al-Imran, dans Al-Ahzab, dans Surat Muhammad et dans Surat Al-Fatah. Donc, il s'appelle Muhammad. Parmi ses prénoms également, il y a Ahmed. Il y a كذلك Al-Mukaffi, et il y a Al-Hashir, et il y a Nabi Al-Rahmah et Nabi Al-Tawbah. نبي الرحمة نبي التوبة والدليل الحديث بموسى الأشعري رواه مسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء فقال أنا محمد وأحمد ومكفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit lui-même qu'il était nommé de la sorte. Et quant au Mustafa, Al-Mustafa, les ulama disent que Al-Mustafa ce n'est pas un de ses prénoms, mais c'est, on va dire, une forme d'adjectif Ada, c'est un sifa qu'on dit en arabe. D'accord ? Al-Mustafa, ce n'est pas un de ses prénoms, mais c'est un de ses attributs, ou plutôt un de ses adjectifs. Comme par exemple, quelqu'un qui s'appellerait Mafalen Foulen Al-Kabir. Foulen Al-Kabir. Après, les gens l'appellent Al-Kabir, Al-Kabir. Enfin, Al-Kabir, ce n'est pas parmi ses noms. C'est-à-dire, en fait, il était connu comme étant grand, Al-Kabir. Après, il était nommé de la sorte, mais en réalité, ce n'est pas son prénom. Donc, ils disent qu'Al-Mustafa, voyez, Mustafa n'est pas parmi les prénoms du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu ta'ala alam. Hadha alladhi aradna al-yawm. Walhamdulillahi rabbil alamin.